Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 11. Et le Seigneur dit à Moïse, je frapperai encore, mais d'une seule plaie, Pharaon et l'Égypte. Et après cela, il vous laissera aller, il vous forcera même de sortir. Tu diras donc à tout le peuple que chaque homme demande à son ami, et chaque femme à sa voisine, des vases d'argent et d'or. Et le Seigneur fera trouver grâce à son peuple devant les Égyptiens. Or Moïse fut un homme très considérable en Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et de tout le peuple. Il dit donc, voici ce que dit le Seigneur. Au milieu de la nuit, j'entrerai en Égypte, et tout premier-né mourra dans la terre des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui tourne la meule, et jusqu'au premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri dans toute la terre d'Égypte, tel qu'auparavant il n'y en a pas eu, et qu'à l'avenir il ne doit pas y en avoir. Mais chez tous les enfants d'Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête, pas même un chien ne murmurera. Afin que vous sachiez par quel miracle le Seigneur sépare les Égyptiens d'Israël. Alors ceux-ci, tes serviteurs, descendront tous vers moi, et se prosterneront devant moi, disant, sors, toi et tout le peuple qui t'est soumis. Après cela, nous sortirons. Et il sortit d'avec Pharaon extrêmement irrité. Et le Seigneur dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que beaucoup de signes se fassent dans la terre d'Égypte. Or Moïse et Aaron firent devant Pharaon tous les prodiges qui sont écrits. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël hors de son pays. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.